pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces y eso. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Jennifer, bonsoir. T'as eu la chance cette année de partir au Chiapas. Ça faisait déjà 7 ans que tu n'y étais pas allée. Donc t'es allée dans les communautés. Je suis très curieuse de savoir ce que t'as pu ressentir, ce que t'as pu découvrir de nouveau, remarquer, ou ce qui t'a touché, ou les critiques que t'as à faire, ou ce qui t'a étonné. Tes impressions, quoi. Eh bien, en fait, j'ai envie de parler de 3 choses, si on a le temps, qui m'ont frappée. Alors, le premier, c'est les échanges avec nous, les Cachelanes, alors les étrangers, les étrangères, que j'ai trouvé globalement plus facile et plus ouvert qu'avant. La deuxième chose serait l'organisation des gouvernements autonomes, c'est-à-dire l'organisation des structures qui gèrent les travaux et les projets collectifs. Et la troisième, ce sont les chaussures féminines. Donc, je vais commencer avec la troisième. Pourquoi les chaussures féminines? C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je n'ai vu aucune femme sans chaussures. Et avant, en fait, dans les communautés où je suis allée, alors, je suis allée 3 semaines comme campamentista en 98. À Acteal, j'ai passé 3 semaines à l'intérieur de Polo, où j'ai travaillé à la clinique, et puis j'ai passé aussi quelques jours dans des communautés quand j'ai participé à la peinture des fresques et puis l'installation de systèmes d'adduction d'eau. Et donc à chaque fois, il y avait des femmes qui étaient pieds nus, et des femmes qui allaient, par exemple, à l'extérieur de la maison. Elles allaient couper du bois, chercher de l'eau, etc., pieds nus. Et cette fois-ci, je n'ai vu aucune femme faire aucun travail avec, pieds nus. Donc, pourquoi plutôt la chaussure féminine, et que veut dire la généralisation de cette chaussure, pour moi? C'est parce que je pense que ça montre une amélioration à au moins 3 niveaux. Une amélioration matérielle de la vie quotidienne, une amélioration au niveau de la santé, et aussi peut-être une petite amélioration au niveau de la situation de la femme. Je vais commencer avec la santé. Parce que pourquoi la santé? C'est qu'on peut se dire, mettre les chaussures, c'est même un peu dommage, parce que c'est une contrainte, et alors les femmes ont accepté finalement cette contrainte. Et moi j'en sais quelque chose, parce que je viens d'un pays où, enfin, j'allais souvent pieds nus, et je le vis aujourd'hui comme une contrainte à Paris, de mettre des chaussettes et des chaussures. Mais en fait, c'est dangereux de marcher pieds nus dans la nature, par exemple, parce que une blessure peut vite s'infecter. Voilà. Donc, en fait, le fait maintenant de mettre des chaussures, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience au niveau de la santé, qui existait. Alors, donc, je fais la différence. Qui existait déjà au niveau des autorités, parce que déjà à l'époque, elles avaient commencé les autorités, la formation des promoteurs de santé, elles ont construit des cliniques, etc. Et mais toute cette prise de conscience était un peu mal suivie par la population. Et quand je travaillais à Polo, c'est ce qu'on a vu. En fait, les gens venaient pour les urgences médicales, pour les maladies des enfants, pour des choses qui étaient plutôt plus urgentes, comme je disais. Et mais au niveau de la prévention, ça manquait. Vraiment au niveau de la vie de tous les jours, ça manquait. Et donc pour moi, donc le fait de mettre des chaussures maintenant. Bah des femmes, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, même à l'époque, les hommes mettaient des chaussures. Il n'y avait que des femmes et des enfants qui étaient pieds nus. À part les vieux, moi j'ai vu quand même qu'il y a des vieux hommes, ouais, qui quand même continuaient à marcher sur les chemins quand même sans chaussures. J'en ai vu quelques-uns. D'accord. C'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. C'est vraiment les très très très très vieux qui ne se sont pas, ouais, résignés. Et qui peuvent pas du tout enfermer leurs pieds dans des chaussures, en fait. Parce, ouais, que d'accord, si t'as passé 70 ans sans chaussures, comme tu le dis, on peut, ouais, pas, oui, accepter, on peut pas, la contrainte, ouais, de, ouais, la chaussure. Mais à l'époque, ça m'avait frappé que les soit hommes, plus particulièrement, ouais, les femmes. Systématiquement, ouais, avaient des, ouais, grosses chaussures, et les femmes, pas toutes les femmes, parce qu'il y avait des femmes qui mettaient des chaussures, mais surtout des femmes d'un certain âge, mais aussi des jeunes. Quand elles sortaient, elles allaient chercher, enfin, par exemple, tu vois, voilà, elles ne mettaient pas de chaussures. Et donc, je pense que c'est aussi le fruit d'une... Enfin, le fait que maintenant, il y a une prise de conscience de la prévention, c'est une organisation, et c'est impulsé par l'organisation, en fait, et c'est un vrai travail de santé publique qui est assez étonnant, parce que ça n'existait pas, enfin ça existait, mais c'était pas suivi à l'époque. Et quand on était là à l'Escuelita, j'ai appris que les autorités zapatistes donc ont récemment élaboré un programme de prévention de maladies qui comporte 48 mesures pour améliorer la santé, et ces mesures sont appliquées dans les 5 caracoles. Et ces mesures concernent donc l'hygiène personnelle. Et il y a des choses qui sont assez terre-à-terre, comme l'utilisation de tables pour manger, comment ranger le bois et la vaisselle, enfin des choses comme ça. Et il y en a 48 qui maintenant sont appliquées. Enfin, voilà, sont appliquées. Et donc, ils commencent à avoir une vraie gestion de santé. Non seulement au niveau macro, comme je dis, au niveau de l'infrastructure et des services, donc au niveau des cliniques et des promoteurs de santé, mais aussi au niveau de la population et de la vie quotidienne. Et en général, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants étaient en meilleure santé que ce que j'avais vu il y a 7 ans. Pour en revenir à nos chaussures féminines, je pense que la généralisation donc, de ces chaussures montre aussi une deuxième chose, donc c'est l'amélioration aussi au niveau économique et matériel de la vie quotidienne. Donc parce qu'il faut acheter ces chaussures quand même, elles sont pas chères, elles sont toujours en plastique, c'est des petits chaussons en plastique, ça par contre, ça n'a pas changé. Bon, ouais, ça, maintenant, c'est, apparemment, c'est un petit problème à force. Hein, parce, ouais, que... tu disais qu'on voit aussi maintenant les talons. Oui, ça, moi, justement, par rapport aux chaussures, quelque chose qui me frappe, c'est que justement, les jeunes femmes sont de plus en plus avec des talons. Et donc, dans les chemins de terre, avec quasi des talons aiguilles. Et du coup, justement, les jeunes filles avec... justement un peu lâcher l'habit traditionnel et du coup un petit peu ça y est, occidental de la ville, un peu les jeans et les chaussures à, oui, talons, les jeans, j'en ai vu, ouais. Et donc je me disais que ce que ça montre aussi, que maintenant ces chaussures pour les femmes et pour les enfants, parce qu'avant souvent les enfants allaient pieds nus, mais là dans ma famille, au moins la famille qui m'a bergé pendant l'Escuelita, tous les enfants, il y en avait 5, avaient toujours des chaussures. Ils n'allaient jamais pieds nus, on pourrait dire peut-être malheureusement, mais bon, voilà. Et donc, que tout ça fait partie du budget familial. Donc, ça me permet de dire que ce que j'ai marqué, qu'en général, au moins dans la communauté où on était, en général, j'ai trouvé que le niveau de vie avait augmenté. Par exemple, pour les repas dans la famille, on mangeait bien. et surtout le menu varié, parce que quand j'étais avant, c'était toujours pareil, c'était riz haricots rouges tortilla, voilà, exactement. Et maintenant on a droit aux légumes. Pas à tous les repas on a eu des légumes, et puis jus d'orange et voilà, café, bon, ça, le café a toujours eu. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait à part le café et puis les piments, ils ont acheté des piments à la tienda, l'épicerie, que tous ces produits, enfin les produits qu'on a mangés, donc le maïs pour les tortillas, le pozole, les haricots, qu'est-ce qu'il y avait encore, des bananes, tout ça, c'est la famille elle-même qui cultive, oui. Voilà, ça autour de la maison ou dans les potagers collectifs. Donc ça marche, en fait, ça, ouais, marche. La décision qu'ils avaient prise que chaque communauté devait avoir un jardin, un potager, voilà. Ou bien chaque famille selon l'organisation de la communauté, et donc pour pouvoir varier les menus, effectivement, voilà. Ça donc, marche. Donc j'ai vu et voilà, j'ai remarqué donc qu'il y a une vraie autosuffisance alimentaire, au moins au niveau de la famille. Et dans cette communauté, il y a peut-être des communautés qui sont... qui ont plus de difficultés, ouais. À avoir, surtout, en fait, c'est surtout une question de la terre. Il y a des régions où ils ont plus de fruits, ouais. Que d'autres. Là, ouais. Où il fait beaucoup plus froid, tu as peut-être moins de possibilités de varier tes cultures. Voilà. Mais c'est vrai que de manière générale, ouais. Ça a avancé, effectivement. Ça a avancé. Et voilà, les enfants mangeaient à leur faim. Une autre chose qui m'a frappée, enfin, ce sont des petits détails, je ne sais pas, peut-être pas très intéressants, mais peut-être que ça montre quelque chose, c'est que dans la famille où j'étais, les enfants, et même les parents, changeaient de vêtements quand ils se lavaient tous les jours. Et avant, ce n'était pas le cas du tout. Et en fait, j'avais même un peu honte. Parce que pour l'escolita, j'ai pris le minimum de vêtements, donc je changeais de vêtements encore moins, enfin moins que. Et donc voilà, ça aussi, ça a changé depuis, peut-être pas 7 ans, mais depuis la première fois quand je suis allée à 98. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça qui montrent que peut-être une vraie amélioration de la situation matérielle des familles. Enfin, je pense que les chaussures féminines peuvent aussi signifier que la situation de la femme s'est améliorée un peu. Donc, je voulais un peu parler de cela. Ouais, ce qui est quand même justement quelque chose de central dans la lutte. Enfin, je dis ça parce que moi, j'en ai parlé souvent, j'en parle souvent, comme justement... je travaille avec les femmes de Morelia, tu dis oui, tu vois les avancements quand même, que les femmes de plus en plus prennent un peu d'autonomie, qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes célibataires. Oui. Ce qui est frappant justement, elles n'ont pas forcément des enfants à 14-15 ans, et donc oui elles mettent les chaussures, elles partent en ville, ouais. Donc à les la choses conquête changent du monde. Lentement, mais très lentement en fait. Mais en fait ça montre, oui, qu'on se préoccupe plus de la santé des femmes qu'avant. Parce que justement, quand je travaillais à la clinique de Polo, je reviens toujours, hein, mais comme c'était dans le domaine de la santé, ouais. On voyait que la santé féminine était, même je dirais traditionnellement, assez négligée, hein, face aux besoins des familles, enfin de la famille, des enfants et des hommes. Et donc, il y a eu vraiment un vrai effort, hein, de la part des apatistes s'occuper en fait de cette question, et maintenant il y a même des cliniques de femmes, voilà. Donc et je voulais dire aussi que les apatistes, ça se voit même à l'escolita, ils ont fait, ils continuent de faire un gros effort pour essayer d'avancer au niveau des droits des femmes, du rôle de la femme et la participation aussi, au niveau de la parité aussi, mais que malgré tout cela, les choses avancent un peu lentement. Mais pour montrer à quel point ils en sont conscients, enfin les autorités, les gens qui essaient d'impulser les choses, c'est que un des quatre livres qu'on nous a donné pour l'Escuelita, hein, s'intitule « La participation des femmes au gouvernement autonome ». Et donc, ça montre que c'est une question très importante. Mais malgré tous les efforts, et c'est ce qu'on voit dans le livre aussi, il y a encore beaucoup à faire et les habitudes sont très tenaces. Dans le livre, j'ai juste un extrait du livre où on dit « La participation des femmes est très faible parce que souvent elles ne comprennent pas la lutte, l'information n'arrive pas. Et parce qu'elles n'ont pas le temps, étant donné qu'elles consacrent tout leur temps aux tâches ménagères, comme, et je cite, « préparer les repas, balayer, laver la vaisselle et le linge, nourrir les animaux et s'occuper de leur mari, et c'est encore pire si elles ont des enfants. » Donc on voit que les choses, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement c'est difficile de changer tant qu'en fait tu es encore dans une organisation du travail, enfin ou des activités qui permettent la survie et la vie de la communauté des familles, encore très sexuée. C'est-à-dire qu'effectivement, sachant qu'ils sont encore tous paysans, tu as difficilement la possibilité encore de dire à un homme, tu vas rester t'occuper des enfants, couper le bois, etc. Et c'est moi qui vais aller travailler le bétail, le bétail ou la terre, etc. Donc oui. Ça, du coup, il y a des femmes qui s'occupent petit à petit du bétail et de la culture, mais de là à ce que ce soit parfois, enfin que ce soit pas forcément organisé par le sexe. Effectivement, là, il y a du, oui, il y a, y a du... forcément de la contrainte de par l'organisation en tant que telle du travail. L'autre fois, on en discutait justement que la division du travail était encore très sexuée. Ben oui, c'est peut-être là que ça empêche la bascule vraiment. Oui, oui. Mais comme je disais, donc c'est une question qui semble être très importante et donc c'est souvent mise en avant et donc on peut espérer que les choses vont avancer un peu plus. Donc je voulais dire que j'étais un peu déçue par le peu de changement, enfin la lenteur du changement au niveau de la situation des femmes, mais que globalement, pour le reste, j'étais impressionnée par les avancées au niveau de l'organisation de la lutte, des travaux collectifs, et ce qu'on a vu pendant l'Escuelita, des priorités comme la santé et l'autosuffisance alimentaire, que globalement, je trouve que voilà, il y a des avancées, et des vraies avancées qu'on peut physiquement voir, même en une semaine, et que la lucha sigue, la lutte continue, et qu'elle apporte ses fruits. 106.3, fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes. On va continuer toujours avec les apatistes et Anne-Marie qui est là avec nous, et d'autres témoignages, mais on fait une petite pause de musique avant d'entrer dans le vif du sujet de nouveau. Seguimos esperando. la libertad. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. 100 años de revolución, 100 años de revolución. Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, le programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on est ensemble encore une heure et on est avec Anne-Marie. On voudrait donc vous parler de l'Escualita qui a été la proposition faite par les apatistes depuis le début de l'année. On a raconté un petit peu déjà très souvent l'histoire de ce mouvement qui depuis 20 ans continue à faire des propositions variées, allant toujours un peu dans le même sens de pouvoir rencontrer les luttes et de travailler ensemble à faire autrement de la politique et à résister et à lutter ensemble. Et donc cette année 2013, il y a eu la Escualita et Anne-Marie y était, c'est pour ça qu'elle est avec nous et on va la laisser nous parler un petit peu, introduire ce que c'est ce projet, ce qui a été fait, sachant qu'on va écouter en premier le témoignage de Cybèle sur ce qui a été vraiment de façon factuelle la Escualita, mais on va déjà laisser Anne-Marie nous expliquer ce que c'était, sachant que la Escualita ça veut dire petite école, on peut dire en français. Donc Anne-Marie, d'abord merci d'être là et on t'écoute. Bon, ben merci aussi. Hein. Bon, bah, de toute façon, la petite école, c'est en fait c'est une grande école, c'est un grand projet. Et d'ailleurs, vous venez d'écouter la Resistencia de México pour vous dire, moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était justement au moment de l'accueil à cette petite école. Eh bien, en fait, les apatistes, j'imagine, avaient proposé à certains groupes qui ont toujours lutté, etc., de venir participer à la fête des Caracoles. Eux, ils avaient reçu l'invitation pour l'Escualita. Voilà. Mais comme ils étaient en France, voilà. ils n'ont pas pu répondre à temps. Donc ouais. Ils n'ont pas pu aller à l'Escualita, mais ils ont fait l'introduction de l'Escualita. Ils ont joué pour nous qui attendions le moment où on allait partir dans les Caracoles. Donc voilà, alors je voulais aussi un petit peu réagir sur ce que disait Jennifer et dire que, les femmes, c'est vrai que les femmes, c'est pas facile pour elles, mais aussi qu'elles ont pris leur émancipation, si l'on peut dire, en main. Et que Jennifer a la raison de le dire, c'est des conditions qui sont très difficiles parce que le travail quotidien de la femme, il est énorme. Ce qui ne veut pas dire que celui du mari n'est pas aussi énorme. C'est que les mecs, on les voit partir à l'aube et on les voit revenir tard. En tout cas, ce que je pourrais dire pour faire le pendant de Jennifer sur le factuel, c'est que je n'ai jamais vu à ce point-là les hommes être proches de leurs enfants, les enfants être avec les hommes quand les hommes rentraient. Et aussi, je me rappelle d'une remarque qui avait été faite par une Américaine à la fin de l'école qui disait « Dans mon pays, j'ai jamais vu autant de respect manifesté aux femmes que chez les apatistes. » Et je vous raconte aussi une anecdote. d'une femme qui me disait « Bon, ben moi, de toute façon, dans la lutte, j'ai tout appris. J'ai appris à parler différentes langues. J'ai appris plein de choses. Et maintenant, si j'avais plus de mon mari, ben, de toute façon, je pense que je ne me remettrais pas avec un mec parce que je suis très autonome. » Et pour vous montrer comment les femmes ont du travail, elle racontait « De toute façon, ma belle-fille a accouché, il y avait un moment donné, elle a accouché, donc elle ne pouvait plus aller au champ de son mari, parce que là-bas, effectivement, il faut aller au champ presque jusqu'à la veille de l'accouchement, parce qu'il faut bien ramener à manger. Et donc, elle a dit, et donc mon fils m'a demandé de venir l'aider, puis je l'ai aidé, puis on a torché ça en moins de deux. Comme quoi, voilà, ça fait plaisir de voir que les femmes aussi, elles ont pris de l'assurance. Forcément pas toutes, parce que c'est un long chemin, mais bon, c'est ça, quoi. Et pour reparler de l'escolita, en fait, l'escolita, je la considère dans une perspective beaucoup plus large. Depuis des années, les zapatistes... On va peut-être juste redire ce que c'est, enfin oui, c'est ça, peut-être que tu allais le dire, mais ce que c'est la proposition, parce qu'il y a longtemps qu'on en a parlé, c'était déjà il y a plus de 2-3 mois, du coup il y a peut-être des gens qui ont oublié, tout le monde ne nous écoute pas tout le temps. Bon, alors la proposition, c'est qu'en fait les zapatistes ont envoyé une invitation en bonne et due forme aux gens qui avaient exprimé leur solidarité avec le mouvement zapatiste depuis beaucoup d'années, des gens divers, beaucoup de gens du Mexique, mais aussi des gens... comme nous, comité de solidarité, et comme d'autres, qui avaient apporté une solidarité, qu'elle soit culturelle, toute espèce de solidarité. Donc, ils ont envoyé des invitations ciblées vers des gens en leur disant, voilà, cette année, on vous propose de venir à l'Escuelita pour voir de l'intérieur, dans une communauté, comment on fonctionne. Voilà. Ce qui était une grande première, parce que d'habitude, en fait, quand on a croisé le mouvement zapatiste, on venait en observateur, mais on voyait un certain nombre de choses. Alors que là, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on était dans une communauté, et depuis notre regard sur cette communauté, on découvrait le mouvement zapatiste. Après, j'en dirai plus sur ce que moi, j'ai ressenti par rapport à ça. Moi, en fait, j'ai rencontré un sujet collectif, et je me suis sentie comme un sujet collectif. Je n'arrivais pas toute seule, j'arrivais avec des gens, et je rencontrais une communauté, j'ai rencontré des gens, je rencontrais une famille, parce que j'étais dans une famille, mais je rencontrais aussi la communauté, et l'interprétation entre la famille et la communauté, ça, c'est extrêmement important, à mon avis. Ben, écoute, merci bien d'avoir bien exposé, finalement, donc justement... Ce que c'est la proposition zapatiste de départ, c'est-à-dire donc de faire partager un moment dans l'intimité de l'organisation. Et donc justement, Cybèle va nous raconter le côté un petit peu plus factuel. Et Anne-Marie rajoute quelque chose. Oui, juste je voudrais rajouter que c'est pas à n'importe quel moment de leur histoire que ça se situe et qu'il faut aussi le considérer dans un contexte plus large, de savoir ce que eux ils attendent de nous en faisant ça et pourquoi ils ont décidé cette école. Voilà. Donc justement, on en parlera après. Donc on écoute le témoignage de Cybèle, mais on fait juste une petite pause musicale avant d'écouter l'interview, sachant qu'il y a un petit quart d'heure. À tout de suite. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? muerta en la calle por donde entró el regimiento. Y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son? A la buena palomita, cuéntale a mi país que la sangre de maíz rega su tierra bendita, que ya no tendrá carnita ni engaño ni represión. Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada, ¿de dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? Fréquence Paris Pluriel, la jungle d'Aluit. Nouvel, bonsoir. Alors toi aussi, tu as eu la chance d'être cet été donc au Chiapas pour la xème fois. Tu connais bien, contrairement à Jennifer, tu étais allée déjà plus récemment et régulièrement. Et par contre, tu as vécu ce moment un petit peu inédit. Alors tu as sûrement plein de choses à nous raconter. Et justement, concrètement, comment ça s'est passé, cette escuelita? Ben écoute, c'était assez marrant parce que déjà, c'était plein de surprises au départ. On a eu les communiqués au mois de juillet qui nous racontaient un petit peu, qui commençaient à nous défricher un petit peu ce que ça allait être, parce qu'on était invités à la Escolita, mais en réalité, quand on est arrivé au Chiapas, on n'avait aucune idée concrète de ce qu'on allait faire. Donc on savait quand même qu'on allait dans les communautés. Mais on ne savait pas nous qu'on allait avoir un votan. Ça, on l'a découvert aussi dans les communiqués assez récemment. Et voilà. Et donc le jour de l'inscription, on y est allé et c'était comme la rentrée scolaire où tout le monde en disant ouais, dans quel caracol on va m'envoyer. Et donc on faisait la queue pour s'inscrire et tout d'un coup on découvrait qu'on allait dans tel ou tel caracol et tout le monde sortait avec son petit badge et ses livres de lecture et ses DVD. Tout content comme des gamins qui faisaient leur rentrée et qui venaient d'apprendre dans quelle classe ils étaient. Voilà, donc ça c'était vraiment une émotion assez rigolote parce qu'on s'est sentis tous mais comme des gamins. Tu sais aussi qui allait être ton votan? Ton votan il est déjà là. Ah non, à ce moment-là pas... on est aussi des si, on est à San Cristobal et on va juste chercher notre accréditation. Donc on découvre qu'on va au caracol de Morelia. Et on nous donne nos livres, nos DVD, et on nous dit voilà, il faut revenir demain le plus tôt possible, on ne donne pas d'horaire, et petit à petit les voitures partiront pour le caracol de Morelia. Point. Voilà, donc le lendemain on arrive, évidemment Il faut imaginer 1500 personnes qui viennent pour alors continuer à s'inscrire parce que en fait les gens sont inscrits sur deux jours. Et donc il y avait des queues interminables, il y avait des concerts, il y avait plein de petits vendeurs, de gens, de copains qu'on croise à droite à gauche. Et les départs ont commencé à s'organiser pour les caracoles les plus éloignés d'abord, puisqu'il y en a qui ont mis quand même 8 ou 9 heures de route pour parvenir jusqu'aux caracoles. Et donc ça partait en caravane, donc il faut imaginer que pour chaque caracole, il y avait à peu près 300 personnes qui devaient partir, dans des camionnettes dans lesquelles ils mettaient entre 8 et 30 personnes selon leur taille. Et donc il y avait des queues interminables avec nos sacs à dos. Il faut nous voir aussi, nous, à chaque fois qu'on se trimballe avec nos énormes sacs à dos, les duvets, les machins. Et donc les camionnettes partaient en caravane, caracole par caracole. Ça a commencé vers 11h. Et nous, le caracole de Morelia, donc on était le quatrième à partir, puisqu'un des plus proches en fait de San Cristobal. Et on est parti vers 19h. Voilà. Ce qui est déjà super tard, on a attendu en fait. Ce qui fait nuit là-bas en plus. Et il fait nuit à 19h. Donc on est parti et on a traîné sur la route parce qu'on était en caravane et donc dès qu'on s'arrêtait, ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc on est arrivé très tard au caracol. Moi il se trouve que j'étais dans une des camionnettes de tête, donc les compas qui conduisaient étaient très inquiets parce que on n'arrêtait pas de les appeler du caracol pour savoir où on était, si on arrivait, parce qu'on était très, évidemment très attendus, et on était attendus quasiment depuis le matin. En réalité, on leur avait demandé d'être là dès le matin, donc il y avait une grosse impatience, on sentait cette tension de notre arrivée. On est arrivé vers minuit, on est descendu des camions avant de rentrer dans le caracol, et là on nous dit, vous rentrez à pied, vous récupérez vos sacs après. Et alors là, une image que je n'oublierai jamais, deux grandes files, une file d'hommes et une file de femmes en passe-montagne, l'un derrière l'autre en randonnion, juste devant eux une grande table, enfin deux grandes tables, donc une devant chaque file, en bois avec un registre. Et donc on faisait la queue, on s'enregistrait, on mettait notre nom. Les votanes qui attendaient. Et les votanes qui nous attendaient. Et donc une fois qu'on était enregistré, la première votane qui était devant nous, elle nous prenait la main vigoureusement et nous emmener là donc où c'était on allait. C'était au hasard en fait. Complètement au hasard. Le premier qui arrivait, voilà. Prenait. Exactement. C'est ça, donc eux ils ne savaient même pas ni où ils allaient aller. Absolument ni pas. Qui, voilà. Puisque en fait ils allaient vous suivre et donc forcément. Si eux ils ne savaient pas forcément dans quelle communauté ils allaient. Eux savaient dans quelle communauté ils allaient, mais nous par contre on ne savait pas. C'est-à-dire qu'en réalité les Votanes étaient. Eux, la plupart étaient envoyés dans leur propre communauté, pas tous. Mais dans la grande majorité, au caracol de Morelia, parce que en fait, on a appris par la suite que d'un caracol à l'autre, c'était un peu différent. Mais nous, on était 18 dans la communauté dans laquelle on était. Et en fait, ça a été, en gros, les 10 premiers hommes et les 8 premières femmes qui allaient dans cette communauté, parce que voilà, c'était leur classement des communautés dans cet ordre-là, dans l'ordre dans lequel les Votanes étaient ordonnés. Et donc, là, on nous a montré où on dormait. Donc ça a duré une bonne heure, le temps que tout le monde s'enregistre, évidemment, et que chacun reparte avec son votan. Et on a ensuite récupéré nos sacs à dos, et ils avaient prévu une fête, évidemment, pour nous accueillir, parce que ça, c'est quand même obligatoire. Et donc, ils ont joué, un groupe qui a joué, il y a eu un bal, etc. Jusqu'à 3h du matin, on était tous très fatigués, mais bon. Il y a eu une toute petite réunion qui nous a annoncé que le lendemain, on commençait à 8h et voilà. Et en fait, au bout de 2h, tous les Votanes ont enlevé leur passe-montagne et leur paliacaté et on a découvert leur visage. Donc ça, c'était assez rigolo aussi parce que eux nous voyaient depuis le début et puis nous, on avait affaire aux apatistes avec leur passe-montagne. Comme on peut en avoir l'habitude. Voilà, mais du coup, tout d'un coup, on découvrait leur visage. Et donc on a dormi et le lendemain matin, branle-bas de combat, en réalité les 8 heures, il y a plusieurs horaires qui sont utilisés en territoire zapatiste. Il y a un horaire officiel au Mexique avec l'heure d'été, il y a l'horaire des communautés zapatistes qui ne passent pas à l'heure d'été, et il y a l'horaire de l'armée zapatiste de libération nationale, de l'EZLN, qui est une heure de plus que l'horaire officiel. Donc il y a trois horaires différents, et l'horaire qui nous avait été annoncé pour tout le monde, c'était évident que c'était l'horaire des communautés, et bien non, c'était l'horaire de l'EZLN, et y compris les Votanes ne savaient pas, Et donc ça a été une panique parce que tout d'un coup, on est venu nous réveiller et on était déjà en train de nous appeler pour la réunion. Et donc on était tous en train de sortir de notre duvet. Donc ça a été assez rigolo, mais bon, ça c'est voilà comme ça se passe toujours. Et donc notre Votan ne nous quittait pas du début à la fin. On allait manger ensemble, on allait aux réunions ensemble, il nous accompagnait jusqu'au moment où on allait se coucher, y compris certains Votan, enfin la grande majorité, accompagnaient leur alumno, leur étudiant, jusqu'aux toilettes. Donc c'était qui recouvrait la nuit parfois. Parfois. Même lui qui était. De peur qu'on ait froid. Voilà. Et donc ça c'était assez étonnant de tout d'un coup de se retrouver en binôme complet. Voilà. Et donc le lendemain matin on a eu cours. Donc on a amené nos cahiers et nos livres et donc on nous a réexpliqué un petit peu le contenu des livres, donc comment ils s'organisaient, le gouvernement, la santé, l'éducation, voilà toute l'organisation, tout le fonctionnement on va dire de l'autonomie zapatiste. Et l'après-midi donc on partait, on était censé partir dans les communautés. Le problème, c'est qu'on a une journée de pluie terrible. Et du coup, le départ a été beaucoup retardé parce qu'ils attendaient qu'il arrête de pleuvoir. Et en fait, il n'a jamais arrêté de pleuvoir. Et donc, encore une fois, on est parti très tard dans les communautés. Donc, c'est là que nous, on a appris où on partait parce qu'on ne l'avait pas dit. Toujours pas. Donc, on l'a appris, nous, dans l'après-midi. Et on a découvert avec qui on était au fur et à mesure. Toi, tu vas où? Et toi, tu vas où? Etc. Et nous, on est parti vers... je pense qu'il devait être 20h, quelque chose comme ça, alors qu'on était censé partir vers 14-15h. Donc, on est arrivé dans la communauté vers 21h30. Toujours très attendu pour le coup encore. Encore très attendu, donc toute la communauté réunie, évidemment. En plus, il avait plus des cordes, donc dans la boue, etc. Et on a été reçus dans l'espèce de petit auditorium de la communauté. Donc, au centre de la communauté, il y a une très grande église. En fait, ce sont des terres. C'est une communauté totalement zapatiste, là, oui, où tu te trouvais. C'était des terres récupérées, donc une ancienne finca, une ancienne grande propriété terrienne, sur laquelle vivait le grand propriétaire. Donc il avait sa chapelle, son église, qui était aussi destinée à tous ses ouvriers, on peut dire esclaves, hein, parce que c'était quand même les conditions d'esclavage dans lesquelles vivaient les indigènes qui travaillaient pour le propriétaire terrien. Et donc, il y avait cette église au milieu qui était le symbole du pouvoir du grand propriétaire. Et donc, ils ont construit juste à côté un petit bâtiment en bois dans lequel ils font leur réunion civile, enfin leur réunion de la communauté. Et donc, on a été reçus par les anciens, de très vieux monsieur de plus de 80 ans, en costume traditionnel, qui parlaient en tseltal. Donc, toute la communauté, pendant cette réunion, s'est exprimée en tseltal. Et nous avions nos Votan qui nous chuchotaient à l'oreille la traduction en espagnol, puisque leur rôle était aussi de nous faire la traduction systématique. Et c'est là qu'on a découvert dans quelle famille on était. Donc, puisque là, on était envoyés chacun dans une famille différente. Et on nous présentait, on disait, un tel, si belle, vous serez avec la famille telle. Et donc, le monsieur se levait et on se repérait. Et puis, il fallait qu'on se retrouve en sortant. Bon, la Votan, ou le Votan repérait aussi, puisque on était 18 dans cette communauté. Et il n'y en a que 3 Votan qui n'étaient pas de la communauté. Tous les autres étaient de cette communauté, donc... Évidemment, ils se connaissent, il y avait une trentaine, quarantaine de familles. Plus facile pour, de toute façon, évoluer aussi. Oui, oui, c'était pour les liens, etc. Ouais. C'était quand même plus facile. Donc, ils nous avaient préparé des pains et du café. Donc, on a pris un petit pain sucré et du café. On est partis chacun dans nos familles à travers la communauté qui est assez étalée. Donc, en pleine nuit, il y a une copine qui s'est retrouvée sur un pont suspendu au-dessus de la rivière à 10h du soir sans trop savoir où elle allait. Voilà, donc c'était assez rigolo. Et on a été accueillis donc, dans nos familles on avait quasiment tous dans cette communauté une chambre. Ils avaient parfois construit une petite cabane spéciale pour qu'on ait un lit en dehors, parce qu'eux, ils dorment dans une chambre familiale. C'est une grande cabane dans laquelle toute la famille dort sur différents lits. Et là, on avait chacun notre chambre. Moi, dans la maison dans laquelle j'étais, il y avait déjà cette petite chambre, elle existait. Mais c'était quand même... On a senti qu'ils avaient fait un énorme effort pour nous recevoir dans les meilleures conditions. Et voilà. Et le lendemain, donc, le programme, c'était se lever comme toute la famille et participer aux tâches quotidiennes. Donc, il faut dire quand même, c'est important... que les tâches sont très genrées, c'est-à-dire que les femmes font la cuisine. On en a parlé justement. Voilà. Et donc voilà, moi, je étant enceinte, je ne pouvais pas porter. Donc je suis restée beaucoup à la maison, à aider la compagnera de la famille à faire à manger, à faire à écraser le maïs, etc., à s'occuper des enfants, à faire la vaisselle. Le premier jour, on est pas mal allé se balader aussi dans la communauté, aller voir d'autres, on se rendait visite, etc. Et puis, donc à deux occasions dans la semaine, on s'est retrouvés toutes les femmes de la communauté. Une fois pour le collectif de pain. Donc les femmes sont organisées en collectif sur différents sujets, donc notamment sur le pain. Elles ont un four, un grand four à pain à côté de l'église. Et elles se réunissent toutes les semaines ou tous les 15 jours pour faire le pain pour toute la communauté et pour en vendre un petit peu à l'extérieur, pour récupérer un petit peu de sous pour différents projets qu'elles peuvent avoir en collectif. Elles ont un collectif aussi de broderie, qu'on a vu, d'ailleurs, on les a vus le dernier jour, quand on est revenu au Caracol, elles ont vendu les broderies du collectif de femmes. Et voilà, donc on a passé une matinée entière à faire du pain, alors des quantités de pain incroyables. Et pendant ce temps-là, les hommes, eux, ils ont fait des travaux collectifs avec les animaux, surtout avec le bétail, ils ont beaucoup de bétail collectif. Qu'ils destinent surtout aussi à financer des projets. En réalité, ce bétail collectif, ils l'utilisent peu pour le manger, sauf pour des fêtes. Les fêtes, oui. Mais c'est essentiellement une monnaie d'échange pour les besoins de la communauté, pour pouvoir reconstruire. Ils sont en train de reconstruire l'école, par exemple. Donc, il faut bien financer ça. Donc, ils se financent à travers cette organisation collective. On a senti une cohésion très forte dans cette communauté. D'ailleurs, le tout dernier jour, la deuxième tâche collective qu'on a faite, c'est de préparer un repas pour l'ensemble de la communauté. Donc les alumnos, la communauté, les enfants, tout le monde était réuni l'après-midi pour ce repas. Et ça a été super parce que y a les anciens qui sont avec leurs instruments traditionnels, qui ont joué des instruments traditionnels et toute la communauté s'est levée et a dansé. Toute la communauté. Moi, j'ai jamais vu une communauté entière se mettre à danser. Très souvent, les femmes dans les communautés, les femmes mariées, ne dansent plus. Et là, c'était absolument pas le cas. Tout le monde s'est mis à danser. Et ensuite, il y a eu quelques prises de parole, surtout d'alumnos qui voulaient remercier, qui ont fait des discours plus ou moins politiques. On était avec. Donc, dans la communauté, il y avait beaucoup de Mexicains. D'un collectif qui s'appelle Pancho Villa, Francisco Villa Unopi, qui est un collectif, une communauté, hein, il s'appelle la même communauté, qui vit à Mexico, et donc il y a une communauté urbaine, et la plupart d'entre eux venaient pour la première fois dans les communautés zapatistes. En même temps, ils travaillent avec les zapatistes depuis très longtemps, puisque c'est eux qui avaient accueilli le Festival de la Dignorage en 2009. Et du coup, ils découvraient une réalité dont ils avaient beaucoup entendu parler politiquement, mais la vie quotidienne, c'était quelque chose de nouveau. Donc ils ont fait des prises de parole et ils ont même écrit une chanson avec des jeunes de la communauté. Enfin, c'était vraiment très fort. Et après, il y avait un jeune de la communauté, donc la jeune génération, qui avait, ils avaient récupéré, je ne sais comment, une sono absolument monstrueuse avec des enceintes gigantesques. Et il avait son clavier, le fameux clavier électrique, avec les rythmes intégrés à l'intérieur, et il a fait toutes les chansons modernes qu'on entend dans toutes les fêtes zapatistes, et donc ça a été le bal plutôt plus des jeunes, quoi, où tout le monde s'est encore mis à danser toute la soirée, les enfants, etc. Donc c'était assez rigolo de voir cette cohésion entre les générations, cette ambiance de fête, de partage, qui a vraiment été un moment que j'avais déjà vécu en communauté, mais pas de manière aussi collective, quoi. J'avais senti quand même plus des femmes qui n'osaient pas trop danser. Et là, vraiment, on a senti quelque chose de très fort entre les générations aussi, avec les vieux, tout le monde dansait sur leur musique traditionnelle, et les vieux dansaient sur les musiques modernes. Et enfin, c'était très fort. movimiento. Subversión, subversión, qué chida subversión. Tú le dices que no vale un peso, la UNAM es gratuita y así se va a quedar. Tú le dices que no vale un peso, la UNAM es del pueblo y así se quedará. ¡A huevo! 106.3 fréquence Paris Pluriel, c'est toujours la jungle des luttes, on est encore ensemble une demi-heure. Et donc, vous l'avez compris, on est dans le monde zapatiste avec toutes ces belles propositions à chaque fois qui nous permettent de découvrir plein de choses et d'avancer. Donc, vous avez écouté une partie du témoignage de Cybèle. Tu as envie de réagir peut-être, Anne-Marie. Donc, toi aussi, tu étais dans la même communauté, en fait. Oui, bah c'est ça. C'est qu'en fait, on était enfin, les trois que vous aurez, qui ont donné leur témoignage ce soir, elles étaient dans la même communauté. Donc, je ne vais pas redire ce qu'a dit Cybèle. Moi, j'insisterais sur le fait qu'en fait, les zapatistes, c'est ça qui est très fort. Et c'est en ça que, aussi, c'était un grand événement. C'est que les zapatistes, par eux-mêmes, ils sont quelque chose qui c'est pas que ça, qui se mettent en scène, mais ils ont une dignité qui transparaît dans tout ce qu'ils font. Et cette dignité, elle était très forte au moment où on est arrivé. Ce que Cybèle a évoqué, mais on peut dire qu'on était tellement émus, et eux étaient tellement émus, que l'ambiance était électrique. Et la première chose que nous a dit un des anciens, il nous a dit, voilà, maintenant, vous allez voir pourquoi ça fait 500 ans qu'on résiste. Et de voir tous ces visages sérieux, ces gens avec un masque ou avec un palliacate et leurs yeux profonds. Et c'était une émotion terrible. Il y a même des gens qui ont pleuré et il y a eu des échanges à ce moment-là. C'est en ça que je dis que moi, j'ai eu l'impression de faire partie d'un sujet collectif qui rencontrait aussi un autre sujet collectif. C'est-à-dire qu'on arrivait, comme Cybèle vous l'a évoqué, on se connaissait déjà un petit peu puisqu'on avait voyagé dans le même camion tous. Donc on se connaissait et on arrivait à la rencontre d'une communauté. Puis vous veniez tous aussi avec un même avec les mêmes bagages, c'est-à-dire tous invités par les zapatistes à cette expérience-là, avec avide de découvrir justement quelque chose qu'on a les uns et les autres de façon très différente connu, rencontré, vécu, puisque effectivement, comme elle disait Cybèle, tout le monde a plus ou moins ou pas eu l'occasion d'aller dans une communauté ou dans un caracol, c'est-à-dire dans les lieux où les autorités se réunissent pour pouvoir discuter, ou quand il y a des grandes rencontres de toutes les communautés, c'est là que ça se fait, dans les caracoles, c'est là qu'on vous a réunis au départ, etc. Oui, c'était important, parce que les caracoles, le fait de nous réunir dans les caracoles aussi au départ, c'est de donner des marques. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette école, elle avait des marques très précises. Et je ne pense pas que c'était du tout pour coincer les gens, mais c'est au contraire, comme les marques étaient très précises, eh bien en fait, selon les gens, eh ben, ça se passait complètement différent. On peut même dire que c'est intéressant d'ailleurs de voir les communiqués du sous-commandant Marcos avant, quand il parle de l'école, où il dit il y aura des mauvais élèves, il y aura le cancre du fond de la classe, etc. Bah ouais, on était tous à notre manière des cancres, mais en fait les cancres, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent. En fait, c'était très strict, finalement, la forme que ça avait prise, puisqu'en fait, on était dans des familles qui ne parlaient pas espagnol ou qui n'étaient pas censées parler espagnol. C'était le VOTAN qui traduisait tout ce que nous, on voulait demander aux familles. C'était aussi... ils nous répondaient, puisque les familles répondaient dans leur langue. Donc, en même temps, ça nous laissait aussi énormément de temps pour observer, parce qu'il y avait des choses qui étaient intraduisibles. Et puis, selon les familles, ça se passait pas toujours de la même façon, mais comme Cybèle l'a raconté, on était dans une communauté où ils étaient très ouverts, et donc en fait on s'est croisés les unes les autres, les uns les autres, même si on était dans une famille, mais en même temps on prenait conscience de ce qu'était la collectivité et le fait que eux-mêmes dans les familles, c'est aussi des sujets collectifs qui appartiennent à une organisation et qui font des choses ensemble. Et justement, on va écouter les copines, comment ça alors? Bah oui, c'est ça, bah oui, alors tu vois, on écoute les copines quand même. Donc voilà, donc Cybèle, et puis on aura encore aussi un autre petit témoignage très court de Jennifer justement sur cette semaine dans les communautés zapatistes. On écoute. Bah parce que je pense que justement c'était... Tescualita, c'est quelque chose d'assez inédit, innovant, parce que finalement la communauté elle s'est retrouvée à recevoir des gens, une grande quantité, 18 personnes, ça fait beaucoup de monde, parce que je sais pas, dans cette communauté il y a peut-être 200 personnes au maximum, j'imagine, enfin que ça peut oui, la proportion c'est ça, voilà. Donc bah ça fait pas mal de monde, hein, un beau groupe, et c'était eux, la communauté, je pense, qui a été maître de la situation. C'est-à-dire que même si ça faisait partie d'un projet zapatiste autant que tel, vous avez vos cahiers et que l'apprentissage, c'est, je pense, de leur initiative qu'ils ont décidé de vous faire faire du pain, du scie, de se mettre en costume ou pas, de faire le bas, c'est une aventure, je pense, pour les communautés, une expérience. Ah oui. C'est vrai que je disais tout à l'heure que les copains qui arrivaient de Mexico, les petits jeunes, découvraient tout un univers, etc. Mais pour beaucoup de... Enfin, pour la communauté, effectivement, ça a été aussi une expérience extraordinaire. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont déjà venus dans cette communauté, moi j'en connais, mais qui viennent à deux ou trois, qui passent deux ou trois jours. Pour un projet précis. Voilà, en fait, mais là, de recevoir autant de monde chez l'habitant aussi longtemps, parce qu'on est quand même resté cinq jours, c'était quelque chose de très fort. On a eu beaucoup d'échanges avec le Votan, avec les familles, donc il y avait toujours cet intermédiaire du Votan qui traduisait le Tseltal. Mais il y a eu énormément de curiosité, et vous, comment vous vivez, et d'où vous venez, et pourquoi vous êtes là, et c'était, enfin, il y a eu des échanges très forts, ouais. Et c'est vrai qu'on a senti que pour eux, alors à la fois c'était une très forte responsabilité, on a senti quand même qu'ils avaient très peur qu'il nous arrive quelque chose, donc on était, quand je racontais tout à l'heure qu'on allait jusqu'aux toilettes, etc., il y avait une véritable angoisse qu'il nous arrive quelque chose. On avait l'impression un peu d'être en cristal et qu'on pouvait rien faire sans qu'il y ait un risque qu'il nous arrive quelque chose. Donc on était très choyés, on a mangé comme j'ai jamais mangé nulle part. Et c'est vrai qu'on a senti que pour eux c'était quelque chose aussi d'extraordinaire, quoi. Voilà. C'était, ce côté extraordinaire était vraiment partagé. Et on l'a vécu plus ou moins de manière forte en fonction de nos expériences, en fonction des personnes sur qui on est tombé. Moi, c'est vrai que je suis ma Votan, elle avait des responsabilités au niveau de la région. Donc c'était quelqu'un qui avait l'habitude de voir des gens de l'extérieur, qui avait l'habitude de parler assez librement, de s'exprimer, de... Donc pour elle, ça a probablement pas été une épreuve. Voilà, c'était comme pour moi, c'était moins compliqué parce que je découvrais pas complètement. Pour les familles, par exemple, pour ma famille, d'avoir quelqu'un chez eux, on sentait que c'était quelque chose qui leur plaisait. Alors en plus, je connaissais quelques mots de Tseltal, donc le papa était hyper content de m'apprendre le Tseltal et de me faire répéter des mots, que chaque jour j'en apprenais de nouveaux. On sentait que ce partage aussi de leur langue, de leur culture, c'était important. De me faire manger tout ce qu'ils savent faire, de ramener le maïs tous les jours, qu'on le cuisine ensemble, etc. C'était important, quoi. Donc ça, cette expérience-là, ouais, c'était vraiment très fort. Le partage, cet échange de quelque chose de complètement nouveau. Et en termes politiques, il faut quand même dire qu'un mouvement révolutionnaire comme le mouvement zapatiste ouvre ses portes au sens le plus large du terme, je veux dire, c'est les portes des familles, de la vie quotidienne, de l'intimité familiale, à autant de personnes, alors qu'ils sont certes des gens qui ont été invités, c'est-à-dire des gens de leur réseau de confiance, cela dit, c'est inédit qu'on puisse aller vivre ce processus révolutionnaire au quotidien comme ça, aussi profondément, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et je pense qu'en termes politiques, ça a un sens profond. C'est-à-dire cette expérience personnelle que chacun a pu vivre, c'est politiquement, ça a un sens très important. Et je pense que le sens que ça a, c'est que, l'histoire de la pomme, le conte de la pomme de Marcos, où il dit, il se demande ce qu'il va faire de cette pomme, est-ce que je la mange, est-ce que ceci, est-ce que cela, et qu'en fait le plus important, ce qu'il dit, c'est de récupérer les graines et de les semer. Et que je pense que nous, les étudiants, étudiantes, on est ces semences de nous dire, ben voilà, nous on vit comme ça, notre liberté, elle se construit comme ça. avec ce que ça représente de difficultés, parce qu'il faut pas, enfin, il faut voir ce que c'est que le travail quotidien d'un paysan qui vit, voilà, qui doit faire des kilomètres pour aller cultiver ses terres, qui doit porter, qui doit en plus participer à toutes les tâches collectives, à certaines charges parfois compliquées. Et tout ça dans la résistance, parce que tout ça avec ben, un contexte politique difficile, parfois des conflits avec des communautés voisines, avec de toute façon une situation de guerre clairement exprimée par le gouvernement. Et du coup, c'est une manière de nous dire, ben voilà, notre liberté, c'est ça qu'elle coûte. C'est le prix de notre liberté. Mais voilà, c'est notre liberté, elle est entière, elle est pleine et entière, et on est dans l'autonomie, et c'est ça l'autonomie, quoi. Et c'est vrai que sur les discours à la fin, quand on était là, dans la fête encore dans la communauté, beaucoup de gens ont parlé des enfants, de la liberté des enfants, comme on a ressenti que ces enfants grandissaient complètement libres et absolument pas aliénés par la consommation, par, par les médias, par tout cet univers qu'on a l'impression, nous, d'être libres, de pouvoir choisir, de pouvoir se déplacer, etc. Et en réalité, on est complètement dépendant de l'argent, de toutes ces images qu'on a sans arrêt, qu'on nous bombarde à travers nos téléphones, nos télés, nos ordinateurs, etc. Et je pense que pour beaucoup, on a découvert, redécouvert, pris conscience de ce que c'était que cette liberté-là, de ne pas être dans cette dépendance, aliénée au système, quoi. Et vraiment, ça, je pense que ça fait partie des choses que, y compris les plus jeunes qui débarquaient pour la première fois, ont un peu pris dans la gueule, si je puis me permettre. Parce que c'est quelque chose qui est... Même si on le sait. Même si on le sait, voilà, de le vivre. Devant et de le voir. Accompli. C'est incroyable, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça a été dur de partir en même temps par rapport à la responsabilité qu'on représentait. Moi, j'ai senti un certain soulagement de partir aussi. Parce que je sentais que pour eux, ça avait été énormément de travail de préparation, d'attente, mais aussi une charge importante au moment où on était là, beaucoup d'inquiétude. Non pas parce qu'ils avaient peur qu'on fasse quoi que ce soit, mais parce qu'ils avaient peur qu'il nous arrive quelque chose, qu'on tombe malade, qu'on a un accident. Et donc on était aussi content de partir parce qu'on sentait que voilà, c'était le bon temps. La mission était accomplie en fait, de part et d'autre. Voilà. Et qu'il était temps aussi de laisser se reposer, évacuer leurs occupations, de laisser dormir sur leurs deux oreilles. Et voilà, on est revenu au Caracol. On est reparti le lendemain matin pour le Sidéci. Où on est arrivé en milieu de journée et où la chair Tata Juan Chavez avait commencé. Et on a retrouvé tous les copains qui arrivaient des différents caracoles et à partager nos différentes expériences, parce que d'un endroit à l'autre, évidemment, on n'a pas vécu exactement les mêmes choses. Et en même temps, je pense qu'on en tire tous les mêmes conclusions, c'est-à-dire l'impression d'avoir... d'avoir pu vraiment partager le quotidien et en même temps ce quotidien de résistance, d'avoir donné du sens à cette autonomie, à cette construction d'autonomie, et cette responsabilité aussi de transmettre tout ça et de, voilà, de faire partager leur construction, quoi. Parce que tout ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont réussi à avancer, leur conviction, enfin, je pense qu'il y a aussi une des choses qui est importante, c'est la dignité très forte et la conviction des apatistes qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils avancent et que ça va continuer comme ça et que c'est dans l'échange et dans le partage qu'on pourra que ça pourra faire des petits, mais pas faire des petits en reproduisant ce qu'ils vivent, mais en ayant compris le sens de cette liberté. Qu'est-ce que c'est que cette liberté, cette autonomie ? Alors, donc, oui, j'ai passé une semaine, enfin, trois jours dans une famille qui m'a accueillie, qui... il faut dire que dans mon cas, c'était un peu difficile parce que ma gardienne, donc ma voutane, n'a pas pu faire son travail et quelque part, je crois qu'elle n'a pas voulu faire son travail, c'est-à-dire le travail de traduction et d'accueil. De son élève qui était moi. Déjà, elle n'a pas pu traduire parce qu'elle ne parlait pas assez bien l'espagnol, mais souvent elle a refusé de traduire des choses. Et donc, heureusement, il y avait d'autres votanes et donc on a pu échanger sur plein de sujets, enfin plein de sujets, oui, plusieurs sujets. Et donc, ce que j'ai appris à l'Escuelita, c'est, et ce que j'ai pu voir, c'est la dignité des gens qui, où les choses sont difficiles, mais ils restent très digne et déterminé. Et puis je voulais dire une autre chose que j'ai appris, c'est le rire, parce que malgré tout les gens rigolent tout le temps, et même quand c'est difficile, il et elle rigolent, et donc ça rend bon, je vais dire, ça rend la lutte plus humaine, je trouve. Et donc c'était quelque chose de très positif. Donc, vous aurez compris que cette Escuelita, ça a été un moment fort, intense, une vraie expérience qui d'ailleurs se poursuit, c'est-à-dire qu'il y a eu 1500 personnes pour cette vague première. Et puis, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister, il y aura d'autres moments où ils vont pouvoir accueillir d'autres élèves, d'autres alumnos, comme on dit. Et donc, avec donc la préparation des votanes, puisque les votanes sont comme une sorte d'ange gardien, quelqu'un qui t'accompagne et qui donc est là pour transmettre et communiquer. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est voilà, une initiative. Ce n'était pas le coup d'un coup, c'est une façon à eux d'être en lien avec le monde, sachant qu'ils avaient fait l'autre campagne en 2006 où ils étaient allés à la rencontre des autres, rencontrer les luttes. Là, cette fois, ils proposent aux différentes personnes qui les accompagnent dans les luttes de venir. Et donc, ça a été un moment, justement, Anne-Marie, après avoir entendu Cybèle, Jennifer, tu as partagé plein de choses de la même façon et autrement aussi. Je dirais que doute, c'est deux belles expériences au pluriel, parce qu'elles ont été aussi variées que l'ont été les votanes, les communautés, les endroits où débarquaient les alumnos, quoi, les étudiants. Et je voulais insister sur, en fait, Cybèle le mentionne, elle parle de la liberté. Il faut dire que cette école s'appelait la liberté selon les apatistes. Et effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est notre liberté, et qu'est-ce que c'est que leur liberté. Et je pense qu'il faut je pense que c'est important de resituer l'école par rapport à ça. Et aussi quelque chose qui me vient en ayant écouté Cybèle, par exemple, qui parle justement des livres qu'on avait. Les livres qu'on avait, c'était des livres qui avaient été écrits par les bases d'appui, c'est-à-dire que c'était une série de textes qui parlaient soit du gouvernement autonome, soit de la résistance. On peut même... la résistance, qu'est-ce que c'est la résistance des apatistes? C'est d'abord la résistance face au gouvernement, face aux attaques du gouvernement, mais ce n'est pas simplement des attaques militaires. En ce moment, il y a des attaques paramilitaires, mais il y a aussi des attaques sous toutes les formes. C'est-à-dire qu'ils font une école, le gouvernement, tiens, il va trouver le moyen de faire une école du gouvernement juste à côté, dans les communautés divisées. Des gens sortent du mouvement, on va leur donner des sous, on va leur donner des aides. Le système de santé, ils développent le système de santé. Comme par hasard, le gouvernement, qui n'avait rien fait depuis la nuit des temps, se dit, tiens, on va mettre une petite clinique là. Enfin, la résistance des apatistes, elle est au jour le jour et elle prend plein de formes. Donc, il y avait un livre qui parlait de ça. C'était les témoignages des bases d'appui qui disaient comment au jour le jour ils résistent. Il y avait un livre où c'était les juntas, où les gens qui avaient participé d'une façon ou d'une autre... Enfin, les juntas, c'est les mêmes gens enfin, c'est les bases d'appui aussi, juste pour spécifier, puisque c'est les mêmes personnes qui ont une charge. Voilà. Mais c'était dans les bases d'appui, c'était les plus anciens qui avaient eu déjà des charges à l'intérieur soit des communautés, soit du caracol, etc. Il y avait un livre qui parlait des femmes, plus spécialement sur les femmes, pareil, avec les témoignages des femmes elles-mêmes, des travaux collectifs, il me semble aussi. Et ce que j'aimerais faire, c'est resituer un petit peu l'école dans l'histoire des apatistes. En fait, les apatistes, à plein à plein de moments de leur histoire, ils ont reconvoqué la société nationale et internationale à les accompagner. Il y a eu la Sexta, la sixième déclaration, et après il y a eu le fils. C'est-à-dire l'autre campagne. L'autre campagne, où là, Marcos est parti à la rencontre des gens qui se battaient au Mexique. Ensuite, il y a eu l'épisode de la Digne Rage, où là, qui s'adressait, qui était un petit peu, qui s'adressait peut-être. Un peu plus aux gens qui étaient extérieurs au Mexique. C'était face à la globalisation, face à la mondialisation, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, c'était la parole. Mais là, quelque part, cette école, moi, elle a commencé par la fête des caracoles et elle s'est terminée par quelque chose qu'a évoqué Cybèle tout à l'heure, qui s'appelait la cathédrale Juan Chavez. Et la cathédrale Juan Chavez, c'était en fait un hommage à Juan Chavez, quelqu'un que d'ailleurs vous avez peut-être connu sur ces ondes, parce qu'il est, il y a un moment donné, il est venu en France. C'est quelqu'un qui a impulsé le Congrès national indigène, qui a impulsé vraiment le cheminement de plein de tribus indiennes au Mexique, côte à côte avec les zapatistes. Et en fait, la fin de l'école, elle se terminait sur une espèce de... Enfin, sur la succession de vicams, c'est-à-dire qu'il y avait plein de peuples indiens qui venaient pour donner leur parole et qui disaient comment, maintenant, le Mexique, c'est l'horreur. C'est je ne sais pas combien de centaines de projets néolibéraux qui sont en train de détruire complètement la terre, de virer enfin, c'est la mort des communautés indiennes. Et je pense qu'il faut aussi reprendre l'idée de cette escuelita. Là, en fait, c'était une façon... pour les zapatistes, je pense, de nous dire, eh ben voilà, maintenant, vous allez voir comment ça se passe de l'intérieur, parce que maintenant, c'est d'égal à égal qu'on se... Enfin, c'est un peu... C'est comme s'ils nous invitaient à rentrer encore plus dans l'histoire, mais pas simplement à parler. Et c'est en ce sens-là que Cybèle a bien raison, c'est-à-dire que c'est aussi à renvoyer non seulement un message, mais une façon de dire, ben maintenant, il faut qu'on résiste tous. C'est pas simplement là-bas. Les derniers communiqués du sous-commandant Marcos, il disait quelque part dans le monde. Il disait plus que depuis le Chiapas ou depuis le Mexique, il disait quelque part dans le monde. Et je pense que cette école de la liberté, elle était là pour nous dire aussi, et votre liberté, qu'est-ce que c'est ? Notre liberté, c'est ça, c'est de faire partie d'une organisation, d'en assumer le cadre, le travail collectif qu'on y fait, le fait de penser ensemble, d'échanger et tout. Et là, on est en train d'échanger avec vous, mais c'est effectivement pour que vous soyez une semence, mais aussi pour que ici, ailleurs, ça se passe aussi, quoi. Je pense que c'était ça. Et je pense que c'est cette charge-là qu'on a apportée, nous. Et je pense aussi que ça peut, par rapport à l'intérieur du processus zapatiste, être l'occasion pour eux-mêmes de justement... les jeunes qui sont nés dans le mouvement zapatiste, sont allés pour la plupart à l'école, évidemment, mais ce qu'on peut apprendre à l'école de l'histoire du mouvement quand on a 7-8 ans doit peut-être être réappris d'une autre façon et de faire une analyse aussi sur ce que les gens eux-mêmes sont en train de vivre, sachant que t'es pris dans justement une réalité quotidienne qui est très prenante parce que les travaux quotidiens, les travaux collectifs, pour peu qu'on ait des charges, on a des réunions, des obligations, donc pas beaucoup le temps des fois de peut-être analyser et mettre à plat. Et ça a été donc des textes de Marcos qui lui a une activité spécifique à part et qui a le temps de pouvoir écrire. Donc il y a beaucoup de communiqués qui sont écrits par lui parce qu'il y a aussi d'autres commandants, sous-commandants qui font des textes également, mais les bases d'appui n'ont jamais pris le temps. Et donc là, depuis le début de l'année, pour ceux qui se souviennent, le 21 décembre, ils les ont fait marcher. On avait déjà pu dire que justement, c'était une façon de leur remettre un peu le bâton de la lutte, parce que c'était à eux de marcher sur ces villes d'une autre façon, la guerre encore, mais toujours dans un silence et une dignité. Et donc, depuis le mois de janvier, ils étaient en train de préparer tous ces petits livres. Et donc moi qui étais en marge, je sais qu'ils avaient des réunions et des réunions et des séances de travail. Et c'est donc effectivement ces livres qu'ils préparaient. Et donc c'est aussi une façon pour la nouvelle génération de s'approprier le processus et de l'intégrer. Je pense que oui, en fait, il faut bien. Moi, j'envisage cette école, c'est quelque chose à double sens. C'est-à-dire, en même temps, c'est une école pour nous, pour vraiment prendre conscience de ce que c'est que ces communautés indigènes en résistance, mais c'est aussi une façon de transmettre l'histoire. Et il y a autant d'expériences différentes qui ont été vécues dans cette histoire, et les votans étaient tous différents. Il y en avait des jeunes, il y en avait des vieux, il y avait des vieux qui avaient participé longtemps au mouvement, qui avaient vu 94, il y avait des jeunes qui avaient à peine 15 ans, et c'était aussi une façon de leur transmettre l'histoire. Cette école, elle allait dans les deux sens. C'est que les questions qu'on posait aussi, c'était des questions, c'était aussi une façon pour eux, pour les jeunes en tout cas, de sentir qu'ils avaient compris, qu'eux, ils étaient capables de répondre sur ce mouvement, sur cette histoire. C'était une façon de transmettre l'histoire. Et je pense que ça, c'était très, très important. Est-ce que quand tu évoques le fait qu'en janvier, ils ont repris toutes les villes qu'ils avaient reprises en 1994, ça aussi, c'est symboliquement, c'est très fort, parce qu'en fait ils ont fait ça en silence, mais il y a eu un communiqué qui est sorti et qui disait écoutez le bruit de votre monde qui s'écroule, le nôtre est en train de commencer. Et donc merci beaucoup Anne-Marie, et merci à Jennifer et Cybèle de nous avoir accordé ces entretiens. Et donc, on est obligé de se quitter, c'est toujours trop court. Donc, vous avez l'occasion de venir discuter avec nous tous les mercredis soirs à 20h30 au 33 rue des Vignoles. Donc, c'est une assemblée ouverte. On essaye d'organiser des activités en solidarité avec les apatistes, mais aussi d'autres luttes, et de partager de l'information également. Et donc, on a également une activité liée au café. Et donc, la distribution du café, le nouveau café zapatiste de l'année, la nouvelle récolte est arrivée le 21 septembre, 21 Terre, rue Voltaire. Donc, c'est samedi prochain. On vous attend de 14h à 22h. Donc, la première partie jusqu'à 19h, c'est évidemment très libre, avec, comme d'habitude, des projections de documentaires et des ventes de café, d'artisanat, de livres. Et donc, il y a des projections. Et notamment, on vous passera des petits extraits de l'école en espagnol, c'est-à-dire en fait des cours qu'ont eu les votanes pour se préparer à l'école. Et on vous passera aussi le soir. Le soir, il y a des invités, justement. Là, il y aura un cours, un petit film très court sur la conclusion d'un des participants à la cathédrale, Juan Chavez, qui parle de la situation des peuples indiens en ce moment. Donc, vous pouvez nous réécouter jeudi de 8h à 9h30. Vous pouvez également cspcl.ouvaton.org nous retrouver des liens, nous réécouter. Et donc, on vous attend le troisième lundi du mois d'octobre pour une nouvelle émission. Et samedi, donc, 21 septembre, 21 Terre, rue Voltaire au CICP pour une bonne journée bien remplie. Merci à tous. Salut. Merci de m'avoir. See?